Livre 11e, chapitre 3. Mariage de Phébus. Vers le soir de cette journée, quand les officiers judiciaires de l'évêque vinrent relever sur le pavé du parvis le cadavre disloqué de l'archidiacre, Quasimodo avait disparu de Notre-Dame. Il courut beaucoup de bruit sur cette aventure. On ne douta pas que le jour ne fût venu où, d'après leur pacte, Quasimodo, c'est-à-dire le diable, devait emporter Claude Frollo, c'est-à-dire le sorcier. On présuma qu'il avait brisé le corps en prenant l'âme, comme les singes qui cassent la coquille pour manger la noix. C'est pourquoi l'archidiacre ne fut pas inhumé en Terre Sainte. Louis XI mourut l'année d'après, au mois d'août 1483. Quant à Pierre Gringoire, il parvint à sauver la chèvre et il obtint des succès en tragédie. Il paraît qu'après avoir goûté de l'astrologie, de la philosophie, de l'architecture, de l'hermétique, de toutes les folies, il revint à la tragédie, qui est la plus folle de toutes. C'est ce qu'il appelait avoir fait une fin tragique. Voici au sujet de ses triomphes dramatiques ce que l'on dit, dès 1483, dans les contes de l'ordinaire. À Jehan Marchand et Pierre Gringoire, charpentiers et compositeurs, qui ont fait et composé le mystère fait au Châtelet de Paris à l'entrée de Monsieur le Légat, ordonné des personnages hisseux revêtus et habillés, ainsi que audit mystère était requis, et pareillement d'avoir fait les échafauds qui étaient à ceux nécessaires, et pour ce faire, 100 livres. Phébus de Châteaupers aussi fit une fin tragique. Il se maria.